jour vient de naître sur les villes et les rivières. On court, on s'inquiète du retard sur un horaire. La radio annonce qu'il y a du brouillard dans les champs, s'éveillent les renards. Les trains de banlieue oublient dans des gares sur lesquelles les gens pressés tout essoufflés. Elle a quatre livres attachés par un ruban. S'assoit sans rien dire au fond du compartiment. Nous allons rester plusieurs kilomètres, 20 minutes face à face sur une banquette. Et puis s'enfuit avec mon cœur.